Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 4, supplément. Gaumet du Pré 1862. Question 49. Des biens du mariage. Il doit y avoir des biens qui excusent le mariage. Quels sont ces biens? Le sacrement est le plus important. L'action du mariage est excusée par ces biens. Elle ne le serait pas sans eux. Ce qu'il faut penser de celui qui accomplit cette action pour le seul plaisir. 1. Doit-il y avoir des biens qui excusent le mariage? Si l'usage du mariage n'a pas le caractère de la fornication, il le doit nécessairement à quelque bien qui, lui conférant une autre espèce sous le rapport de la moralité, le justifie et l'ennoblisse. Le sage, qui consent à supporter un dommage, doit être assuré d'un bien égal ou supérieur pour se compenser. Fait-il par choix une action qui entraîne une perte, il faut qu'un bien, capable de la faire rentrer dans l'ordre et dans l'honnêteté, s'y rattache. Or l'union du mariage apporte à la raison un certain détriment, soit par l'intensité de la délectation qui l'absorbe tellement qu'elle ne peut alors s'exercer à aucune de ses opérations propres, soit par les tribulations de la chair, soit par les soins que les choses temporelles imposent aux personnes mariées. Elle ne saurait rentrer dans la règle que par certains biens qui, compensant ses inconvénients, en fassent une fonction honnête. Note. Les biens qui ennoblissent le mariage sont attachés à son essence même, comme devoir naturel et comme remède à la concupiscence, son usage est utile et honnête. Fin de la note. 2. Les biens du mariage ont-ils été convenablement désignés? Le maître des sentences les désigne suffisamment en signalant la fidélité des époux, la génération des enfants et le sacrement. La fidélité trace les limites du mariage, la génération des enfants, la fin, le sacrement ajoute un bien d'un autre genre à sa bonté naturelle. Note. La génération des enfants comprend leur éducation et les soins de la vie commune. Fin de la note. 3. Le sacrement est-il le bien principal du mariage? Dans l'ordre de l'excellence, le sacrement, qui produit la grâce, est incontestablement le premier des trois biens du mariage. Dans l'ordre de l'essence, le lien indissoluble qu'implique le sacrement est aussi plus nécessaire que la fidélité des époux et la génération des enfants, car l'être des choses ne dépend pas de l'usage qu'on en fait. Sous ce rapport, le sacrement l'emporte encore sur la fidélité conjugale et sur la naissance des enfants. Toutefois, si l'on envisage ces deux dernières choses dans leur principe même, en prenant l'une pour l'intention d'avoir des enfants, et l'autre pour l'obligation de garder la foi conjugale, elles rentrent plus dans l'essence du mariage que le sacrement. Elles lui sont tellement nécessaires que si les époux, au moment du pacte qu'ils sont entre eux, exprimaient une condition qui les détruisit, le mariage serait nul. 4. L'usage du mariage est-il excusé par ses biens? Si l'usage du mariage n'était pas excusé par les biens énumérés plus haut, il ne différerait point de la fornication, et, contrairement à ce que nous avons prouvé, le mariage lui-même serait toujours illicite. La foi jurée et l'intention de donner naissance à des enfants rendent certainement bon l'usage de cet état. Le sacrement en fait même une action sainte, en tant que le mariage, par son indissolubilité, est le signe de l'union du Christ et de l'Église. 5. L'usage du mariage peut-il être excusé sans ses biens? Rendu licite et honnête par ses biens même, l'usage du mariage ne saurait être excusé sans eux. Les époux sont affranchis de tout péché lorsqu'ils se proposent de donner naissance à des enfants ou de se rendre mutuellement le devoir, pour se garder par là même la fidélité. Dans les autres cas, ils ne sont pas exempts de quelque péché. Leur faute est au moins vénielle. Note. Accomplir l'action du mariage dans le seul but de détourner son conjoint du désir de la fornication est une sorte de reddition qui rentre dans le bien de la foi jurée. Fin de la note. 6. Un mari qui ne recherche que le plaisir dans l'usage du mariage pêche-t-il mortellement ? Saint Augustin met cette faute au nombre des péchés quotidiens dont on demande pardon à Dieu dans l'oraison dominicale. Certains auteurs ont enseigné que c'est un péché mortel de rechercher le plaisir dans l'usage du mariage, un péché véniel de l'accepter, une perfection de le repousser. Leur doctrine est fausse. Il faut juger les plaisirs par les actions. Ceux qui résultent d'une bonne action sont bons, et, réciproquement, ceux qui proviennent d'une mauvaise action sont mauvais. L'usage du mariage étant légitime en soi, il est certain que ce n'est pas toujours un péché grave de s'y proposer le plaisir. Celui-là commettrait un péché mortel qui rechercherait la satisfaction au mépris de l'honnêteté du mariage, ce qui aurait lieu, par exemple, si, ne considérant pas son épouse comme telle, il était prêt à faire les mêmes choses avec elle alors même qu'elle ne lui serait pas unie par le mariage, il serait, dans cette supposition, un amant et non pas un époux. Mais celui qui se propose le plaisir dans les limites du mariage, sans être disposé à le demander à une femme étrangère, ne pêche pas mortellement. Note. On dira peut-être que, dans ce dernier cas, le plaisir n'est point rapporté à Dieu. Il ne lui est point rapporté actuellement, cela est vrai, mais celui qui agit ainsi n'y met cependant pas sa fin dernière, puisqu'il ne le recherche pas ailleurs que dans le mariage. En rapportant actuellement à soi un bien créé, on peut se rapporter soi-même à Dieu par une disposition, sinon actuelle, du moins habituelle. markemdanarchive.org 2021. D'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.